Vous vous souvenez, chers amis, du sujet traité la semaine dernière où nous nous sommes arrêtés sur les circonstances dans lesquelles Jacob a choisi son épouse Rachel. Nous avons parlé d'idylle, de fiançailles et même de ces 7 années d'attente qui, pour Jacob, ont paru ne durer que quelques jours, tant ses pensées se concentraient sur sa bien-aimée et sur la perspective du foyer qu'il voulait fonder. Mais il ne faut pas penser que le séjour de Jacob à Padan Aram n'était que rêverie et lune de miel. Avant d'avoir Laban comme beau-père, Jacob l'a eu comme employeur. L'Écriture nous présente Laban comme un homme cupide et avare. Il voulait à tout prix s'enrichir, même au mépris des lois élémentaires de la morale. Aussi n'hésitait-il pas à exploiter un employé consciencieux pour grossir son capital. Et Jacob a dû se soumettre aux injustices criantes de son patron peu scrupuleux. L'or pur ne sort que du creuset. Seul le creuset de l'épreuve pouvait faire de Jacob un homme purifié et utile dans les mains de Dieu. Quand on pense à son caractère rusé, trompeur, mesquin, supplanteur, il ne faut pas être surpris que pour lui, l'éducation de Dieu ait été longue et ardue. Pendant 20 ans, il a gardé le troupeau de son beau-père. Un beau-père qui oubliait toujours ses promesses et ne respectait aucun contrat. À la fin de ses 20 ans, et au moment de quitter son patron, Jacob a exprimé à Laban les sentiments qu'il éprouvait après tant d'injustices. « Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées, j'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison, je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. » Genèse 31, 38 à 41. Quels ouvriers seraient d'accord aujourd'hui que leur employeur change 10 fois leur salaire dans le sens négatif et leur demande de travailler nuit et jour sans prime supplémentaire? Telle a pourtant été la dure école que Dieu a permise pour Jacob. Et si, sur le plan professionnel, Jacob a eu bien des déboires, il en était de même dans sa vie familiale. D'abord, il a dû, comme convenu, attendre 7 ans pour Rachel. Mais lorsque le moment des noces est arrivé, Laban avait complètement oublié sa promesse. Puis Jacob a été contraint par Laban d'épouser d'abord la fille aînée nommée Léa. Pourquoi? Tout simplement parce que Laban, cet homme dépourvu de tout sentiment, voulait soutirer de son employé un nouvel engagement de 7 ans pendant lesquels il travaillerait sans salaire. Peu importait le bonheur de ses 2 filles, pourvu que lui, Laban, tire profit de ce marché. Car, sous les soins de Jacob, le troupeau de Laban avait doublé, quadruplé, décuplé peut-être. Et c'est ainsi que Léa fut imposée à Jacob. D'abord, il n'a jamais aimé Léa. Jacob n'a vraiment aimé que Rachel. Et cela se comprend, tout véritable amour n'est-il pas exclusif? Aussi, Léa a-t-elle toujours été malheureuse, privée de vraie affection, même après avoir donné plusieurs fils à son mari. Dès le début, cette situation a été génératrice de graves problèmes à l'intérieur du foyer de Jacob, où il y avait toujours une épouse de trop. Les basses intrigues de l'une ou de l'autre ont amené de constants conflits, si bien que Jacob n'a jamais connu la paix véritable d'un foyer selon Dieu. De plus, Rachel était stérile, ce qui était pour elle une humiliation constante. Le jour est venu où elle n'a plus pu le supporter, ce qui l'a poussée à proposer à son mari Jacob une basse transaction. « Voici ma servante Bilha. Va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle j'ai aussi des fils. » Genèse chapitre 30, verset 3. L'on peut prétendre que les coutumes du temps permettaient juridiquement de telles unions. Il n'empêche que le péché engendre toujours sa moisson de larmes et de honte. Bila, servante de Rachel, a enfanté deux fils, Dan et Nephtali, Genèse chapitre 30, versets 6 à 8. Puis Jacob s'est laissé entraîner dans une autre aventure similaire avec Zilpa, servante de Léa, de qui sont nés deux autres fils, Gad et Aser, Genèse chapitre 30, versets 9 à 13. Or, ce sont ces quatre fils qui, plus tard, ont tenu de mauvais propos en présence de Joseph, Genèse 37, 2, et qui ont été la cheville ouvrière du complot ourdi contre le fils choyé de Jacob, cause déterminante de sa plus grande épreuve. Chers auditeurs, on moissonne toujours ce que l'on sème. Il en était ainsi autrefois, il en sera ainsi demain. Il est aujourd'hui encore de soi-disant croyants qui, pour avoir la paix, ne mettent jamais en ordre des situations douteuses. Ils feront tôt ou tard l'expérience amère du naufrage de leur foyer, ou bien ils connaîtront les remords d'une existence qui a manqué son but. Mais revenons à Jacob. À la maison, c'est toujours la bagarre. Au travail, les tromperies renouvelées de Laban, dont le visage n'est plus le même, Genèse 31.2. La nuit, l'insomnie et le froid. Le jour, la chaleur excessive. Et, à tant de contrariétés quotidiennes, il faut ajouter la dure réalité. Pendant 14 ans, Jacob a peiné uniquement pour enrichir son beau-père, sans pouvoir jamais mettre quoi que ce soit de côté pour lui-même. Dans ces conditions, l'avenir s'annonce particulièrement sombre pour Jacob et sa nombreuse famille. Puis, la situation se modifie quelque peu. Jacob peut enfin prendre des dispositions pour s'assurer un bien propre. Il en résultera une curieuse situation. Les fils de Laban gardent les brebis tachetées destinées à Jacob, tandis que Jacob, lui, continue de faire paître le troupeau de son beau-père. Genèse chapitre 30, versets 34 à 36. Ce qui n'empêche pas Jacob, notre rusé supplanteur, de déjouer l'intrigue dont il est l'objet en essayant de perturber en sa faveur les lois de la génétique animale. Genèse 30, versets 37 à 43. Cependant, à travers tous ces événements apparaît un fait important. Dieu prend peu à peu la place qui lui revient dans l'existence du patriarche. Au sujet du troupeau, Jacob ne dira pas qu'il s'est enrichi par l'habileté de ses méthodes, mais il dira que c'est Dieu qui a pris le troupeau des mains de Laban pour le lui donner, Genèse 31.9. Et c'est dans cette situation, au comble de l'adversité, que Jacob reçoit la visite d'un messager divin. Écoutons-le raconter cette expérience. L'ange de Dieu me dit en songe, « Jacob ». Je répondis, « Me voici ». Il dit, « Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Genèse 31, 11 à 13. La vocation de Jacob est de nature messianique. Pour lui, les promesses ne peuvent pas se réaliser en Mésopotamie. Il faut qu'il retourne en Canaan, la terre promise. Peut-être cette conviction ne s'est-elle imposée que progressivement à son esprit, non pas sous le coup d'une révélation subite ou d'une nouvelle vision de l'échelle, mais par une expérience imperceptible qui avait quelque chose de profondément rassurant. Le souvenir d'abord diffus, puis toujours plus net, des promesses divines faites à Bethel devient peu à peu pour Jacob une certitude et une raison d'espérer. C'est l'arc-en-ciel qui apparaît au sein des nuages. C'est l'étoile du matin qui brille à l'heure la plus sombre. Désormais, Jacob sait que Dieu l'attend en Canaan. Et dans ce même chapitre 31 de la Genèse, il dira avec conviction à son beau-père, « Si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. » Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Genèse 31, 42. Jacob sait que le Dieu de ses pères est avec lui, qu'il est pour lui, qu'il prend soin de lui, qu'il le ramène à son point de départ et à l'épanouissement de sa vocation. Chers auditeurs, l'appel de Dieu ne réside-t-il pas précisément dans la conviction de l'approbation divine, celle qui permettait à Jacob d'affirmer « Si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père » Cette même conviction qui faisait dire à l'apôtre Paul « Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. » 2 Épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 18. Pour Jacob, les nombreuses épreuves qu'il a traversées ont commencé d'épurer son caractère, comme un creuset qui épure le métal précieux, afin que de ce creuset sorte l'or malléable dont le divin fondeur aura besoin pour accomplir ses plans. Au point du récit où nous en sommes, le travail n'est pas encore achevé, puisqu'il faudra de nouvelles épreuves avant que Jacob ne devienne l'instrument qui glorifiera le Seigneur. Cependant, y a-t-il parmi nous, chers auditeurs, un chrétien, une chrétienne, qui connaît des années de tourments dues à l'incompréhension d'un beau-père ou aux mesquineries d'un patron fourbe et avare? Ce chemin est peut-être permis pour votre formation, votre sanctification, votre maturation. Découvrez derrière les événements la main du Seigneur qui permet l'épreuve pour votre bien. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Hébreux 12, 11. C'est pourquoi aujourd'hui, ressaisissez-vous. Ne vous laissez pas aller, mais découvrez dans vos circonstances présentes la main de grâce de votre Père Céleste qui vous façonne, vous forme et vous prépare à son glorieux service.